Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, en fait, quand on va finir ça, là, on commence pas livre jusqu'à après le... Après Bab Ayem et Tachirik. Ayem et Tachirik, trois jours après l'Aïd. Inch'Allah. Jala, on a comme moqt le Mourajah, vous pouvez bien arriver à le lire. Wa thumma, ba'da ala, on a trop le ta'bir. Inch'Allah. طيب نواصل في مراجعتنا فكنا أنا اليوم سأسألكم في الكلمات الجديدة في الوكابولير je vais me contenter tout simplement de lire les mots dans les tableaux à la fin des dourous فقط طيب ما معنى حجر فجاكوا حجر نعم سكر لبن ما جمع حجر ما معنى القمر ما معنى نظيف ما هو العكس في كل كونتخير نعم ما معنى خفيف ما هو العكس ثقيل نعم ما معنى جديد نفس نعم نوفو ما هو العكس في كونتخير قديم ما معنى حار شوف ما هو العكس بارد نعم ما معنى مفتوح او مفتوح كلمة أوبر. مفتوح ورفع طيب ما هو العكس اظن اخذنا quoi contraire de ouvert علق مغلق طيب نعم مغلق ما معنى جميل ما هو العكس يبقى contraire de جميل قبيح قبيح نعم لا قبيح c'est لا vilain ما معنى مقصور انتبه لا تقربن من هذا ما معنى واقف un grand jouet là نعم un gros ou un dangereux jouet debout ما هو العكس جالس ما معنى حلوون هذا الطعام ود حلوون نعم دو سكري ما هو العكس مرون امير اسيد نعم لكن شده في الراء ما معنى طويل نعم غران لون ما هو العكس قصير نعم ما معنى مريض؟ مريض؟ نعم. نعم. ما معنى فقير؟ ما الفرق بين فقير ومسكين؟ c'est quoi la différence entre فقير et مسكين؟ الفقير c'est celui qui est pauvre, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va pouvoir manger après. En fait, quand tu utilises مسكين tout seul, il veut dire فقير. Si tu veux dire fakir tout seul, il englobe le sens miskin. Et si tu dis les deux, fakir ou la miskin, en fait le miskin c'est celui qui a rien du tout. Vous voyez, le fakir, celui qui n'a pas de quoi tenir une certaine période, Et le miskin, celui qui a rien du tout. Ma mana dukkan. Une boutique, magasin. Ma waljam. Dakaki. Nam. Ma waljam faqir. Fukara. Fukara, nam. Ma mana ghaniyun. Riche. Ma waljam. Ghaniya. Nam. Ma mana tuffah. طيب. Vous étiez traumatisé par tuffah ou tuffaha. Tam, tamra, shajar, shajara. La différence, c'est que lorsque tu n'as pas de ta, par exemple, tu dis shajar, tayyib shajar, c'est l'arbre. L'arbre en général. Et shajara, c'est un arbre en particulier. Par exemple, t'as cool? Elle tuhibou a tuffah, est-ce que tu aimes la pomme? La pomme, c'est la nature de la pomme. Elle tuffah, la santé. Tayyib, si tu dis, elle ahbabta hadi tuffaha, est-ce que tu aimes cette pomme-là? C'est la pomme, en fait, là, c'est une seule, une pièce. Parce que là, c'est la famille qui est l'enfant. C'est le jeans, la nature de la chose. C'est-à-dire que quand on dit shajar, ça peut, on va dire un exemple. C'est l'arbre. Ça peut prendre le pain, les sapins. Voilà, ce qu'on appelle l'arbre. D'accord. Le shajara, c'est un arbre en particulier. Vous voyez, c'est ça la différence entre... Ça s'appelle ism jam, ou ism jeans. Celui qui n'a pas de terre. طيب ما معنى المدرسة؟ ما الجم؟ ما الجم؟ مدرسة. مدرسة. كل ما هو يكل مدرس مدرسة. مدرس. مدرس. مدرسون. أيوة. مدرسة. مدارس. أحسنت. ما معنى مطبخ؟ كين. ما معنى المدير؟ دايركتور. ما معنى الفصل؟ الكلاس. نعم. في على الكتاب. أما souvent tu vas dans le kitab tu as fasl fasl en fait une séparation d'un chapitre à un autre. ما هو الجم؟ فصل. Peut-être tu peux dire peut-être abfal là. Moi je connais fusul. الغلفة avec le waw après ça. الغلفة ما هو الجم غرف ما معنى ذهب il est parti il est allé نعم c'est un abafial sache que les verbes quand tu vas chercher un verbe dans le dictionnaire ah oui c'est à la troisième tu vois il va il n'y a pas d'infinitif en arabe. Il va t'exposer le verbe à la, avec le zahaba, avec huwa, il va te donner le film mardi, en fait, tu vois. Nous, en français, par exemple, pour dire le verbe aller, on va chercher aller. C'est un infinitif, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué. Alors que là, les verbes en arabe, ils vont te donner un verbe conjugué au passé. Zahaba, kataba, jalasa, tayyib, qara'a, talaba, ainsi de suite. C'est un verbe au passé avec huwa. طيب الحمام فال دي بون نعم الجامعة الهندو نعم خرج sorti نعم toi tu peux dire sortir tu peux dire sortir toi المرحاض نعم السوق marché. ما هو الجم؟ أسواق. طيب. ما معنى العم؟ ما هو الجم؟ عمام. ما هو المؤنث؟ عمات عمات نعم ما معنى الشارع لا وي ما هو الجم شو اسمه الشارع ها الشارع شوارع ما معنى المهندس انجينير ما معنى الخال؟ الأوكل المتعلم. ما هو الجم؟ أخوال. أخوال. ما معنى الحقيبة؟ كحساب بليد. والجم؟ تعريف الجم؟ حقائب. ما معنى هناك أو هنا؟ هنا إيزي هناك لبس إيه سي ما هو هذا؟ أي اسم هو؟ تقول كم جاردنو؟ اسم إشارة. اسم إشارة أحسنت. ميغان دل باب دي ظرف مكان. المكواء. الأذن. الأذن مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. لماذا؟ نعم. On regarde ce qui est en paire sur le corps. النافذة. ما هو الجم؟ نوافذ. الدراجة. نعم. الفلاح. اليد. ما هو الجم؟ يدا. لا بابخي متريك شو كنا؟ يدا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أيدي. ها في أيدي. شوفوا ألف يا دل يا أيدي. الثلاجة. هو يا بني تعالوا هناك. تعالوا هناك. يا أيها المذبل تعالوا هناك. تعال. ما يجوز الزبل. تعال. نرفع البنطال. تعال. هيا تعال. ثلاجة. جدا. ستقول هذا الطالب مجتهد جدا. أتخي بوكو. نعم. أتخي بوكو. كل ما تحت الكعبين فهو في النار. يعلم هذا يا ولد. ما يجوز إزبال الثوب. مفهوم؟ En fait, dans la salade, il faut pas plier les vêtements. Donc tu veux pas. Mais à la base, tu vas pas savoir ton vêtement du. Mais en fait, c'est makrouh jiddan, c'est pas haram. On a demandé à Shaykh Yahya, il a dit le fait de plier les vêtements, c'est par rapport à un hadith. On a mis le collègue, Mirtu, on a vu d'Allah, Saba Arzam. Ah oui. On a kouf le charl, ou le thawb. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté, que je laisse mes cheveux et mes vêtements. Et Shaykh Yahya, on l'a demandé, il a dit que c'était le fait de plier le vêtement. Dans la salade, pour remonter les manches, ouais. Pour remonter le pantalon, ou quand tu pries, tu lèves ton kamis, tout comme ça. Il a dit c'est makrouh jiddan, c'est pas la wajh tahrim, c'est pas haram. Mais il se peut que tu trouves un khilaf là-dessus, tu vois. En tout cas, c'est sa parole à lui là-dessus. Non. Milaqa. Petite cuillère ou cuillère, tout court. Cuillère. Maljam. Ou alaykoum salam. ملعقات مرايق ملا ملاعق ملاعق الأنف. ما هو الجم؟ أنف. Là, Uno. Des fois, ça arrive, on invente des jams. Moi, j'ai qu'une fois, en Égypte, quand mon prof, on avait pris un texte. Il m'avait demandé c'est quoi le jam de Jawaz. C'est Jawaz, Jawaz Safar, le passeport. Et il m'a demandé ma jam Jawaz. Et j'ai répondu, il dit Jawaouiz. Il a tellement rigolé. En fait, c'est Jawazat. Il a rigolé. Il a monté un jam, et en plus, c'est ben, ah, d'accord. Rijl. La jambe, on avait dit que ça pouvait dire le pied. Non. Wa masahu bi ru'usikum wa arjulikum lil ka'bayn. Le kahwa. Café. Al qidr. C'est quoi? Un genre de chaudron. Wa al le sein. Non. Al-fem. La bouche. Al-shay. Le thé. Non. Sari'a. Rapide. Non. Al-mubarrida. Infirmière. Al-mu'addin. Celui qui fait la prière. Non. Al-hadiqa. نفس بستان والرياض سان جاردان البطة كما نعم الناقة شمال البيضة البيضة اللف نعم سي باغي بيض وبيضة سي كوم شجر شجرة المستشفى هو مستشفى فكاكين امام نعم انا امام نعم وما هو العكس derrière خلفه نعم الطائر الوزر ما هو الجم حرف الجم طائرات لا الطيور طائرات الجمع داليون نعم ما معنى جوعان أفمي أبغفم نعم ما هو الجمع جوعان ولا فقي ما هو الجمع جمع جوعان أنت جوعان نحن أو هم جيعانين نعم جياع نعم غضبان وكلاه نعم ما هو الجمع غضاب غضاب مسكبار طوال شهير كونو سيلف ما الفرق بين اليوم واليوم اليوم سي اجوردي لا اليوم c'est le jour. Ou alioma, c'est tu définis un jour à un temps particulier. Donc aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ou ça peut être un autre jour, mais tu définis un jour particulier. Liomu, c'est un jour, comme ça moubaham. D'accord. Ça y est. Aitosh, Rafon, Rotchan. Si tu dis par exemple. Là tu dis quoi Là tu dis Yom Soulasa. مضاف مضاف إليه بدل فلان يوم نعم اليوم أنا أكلت اليوم j'ai mangé aujourd'hui عطشان نعم والجم عطاش عطاش مثل غضاب العصفور في أمونو المدينة نعم والجم مدينة مدن مدن كسلان سنيو نعم ملآن لا رمبلي نعم رمبلي فلا فنكوب ملآن المكتبة بيبيوتك الآن maintenant actuellement المروحة الفنتيلاتور الوزير ministre ما هو الجم وزراء وزراء مثل علماء حاد هذا السكين حاد نعم نجيزه ايه بني يا الف حاد حاد وعليكم السلام الزميل كامارات نعم الطفل كوليغ الطفل un enfant un enfant bas âge الجم طفل اطفال اطفال الزوج la femme le mari l'époux et on a dit zouj avec ça va pour les deux l'homme comme la femme aujourd'hui on dit souvent zouja pour l'épouse mais on peut dire zouj aussi pour l'épouse et on a fait le deuil du Coran يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة عيف الفتاة وعليكم السلام نعم ما هو الجم فتيات الحقل الجم الضيف الجم ضيوف المطعم الجم مطاعم القرية un village ou la contrée Waljam peut-être tu connais je crois pas qu'on l'appelle Koura Koura Nam avec un alif maksoura Koura Madjam Imra Imra Nam j'ai entendu une histoire Il y a une histoire aussi. El Hafid. Il y a une d'œuf. El Hafid. El Hafid. Ou Ibn. El Ibn. وابن الابن وابن الجد نعم والجم لا حفده حفده نصارى طيب ونصراني ما الفرق بين النصارى والنصراني نصارى ونصراني les chrétiens le chrétien non les chrétiens dans leur ensemble un nasrani c'est un chrétien ça m'a قبل avant هو العكس بعد ما معنى الشهر le mois هو الجمع شهور وأشهر هو نعم ما معنى كيف نعم ما معنى رجع نعم هذا فعل الأسبوع ما هو الجمع السابع نعم السابع ولو قلت أسبوع أي كان صد سلدوا اختبار إجزام امتحان شركة رخيص ما هو العكس غالي ما جم قميص قمصان الحي الحي اليوم نعم mais dans le kitab c'est quoi le terme ça mais dans le kitab c'est quoi le معنى qu'on l'a pris حتى هو من اسماء الله الله لا اله الا الله الحي القيوم وعليكم السلام mais là dans le kitab on a pris un autre sens le quartier والجم احياء العجلة العجلة غو والجم والجم عجلات مسترة نعم الجم الثمن الحافلة الجم الحافلات السؤال ما هو الجم أسئلة مسألة لا مسألة هو سيان سيجي سيجي مسألة سيجي Ça peut être une question. Une demande. Al-ibada la kismain. Al-dua la kismain. Dua al-ibada. Al-dua al-mas'ala. La demande. Vous voyez ? Mukhtalifa. Ou mukhtalif. Mukhtalifa, comme on l'a dit. Mukhtalif. Non. Différent. راكب نعم قديم ما هو الجمع قدام قدامة قدامة الجيب اللي هو في البوش فابوتخين المجلة مجلة مجازين المكتب نعم الجم مكاتب نعم اللون الجم الوان الوان ما معنى ولكن ما cependant C'est différent de lakin. Là, ils ont le même sens tous les deux. Ça veut pas dire mais, lakin. Mais, cependant, néanmoins. Cependant, ouais. Voilà, lakin. Et mais. Allez, forcément, quand on va faire n'importe quoi. Et mais. Ah, cependant, c'est mieux. Finjan. Finjan. Finjan, nun. Ah, c'est faux, Fingel. Hein? Fingel. C'est avec un D'accord. Tu connais pas? Non. Nous, c'est ça qu'on dirait déjà avec. Ah, c'est peut-être toi qui as entendu l'aime, c'est Fingel. C'est pas ça. Eljam? Fanadjin. Fanadjin. Fanadjin, avec un Ya. Qala. Qala, à dire? Non. El Mindil? Mouchoir. ما هو الجم؟ منادي المفتاح كلي. ما هو الجم؟ مفاتيح ما معنى أبيض؟ بلان أحمر أخضر أسود أزرق أصفر جون. رمادي رمادي بي. بني نعم برتقال il y en a un il a mis du temps à rentrer violet là je l'ai déduit mais en fait tu m'aurais demandé comment on dit violet j'aurais pu te répondre mais je l'ai déduit là donc j'ai mis pour rentrer les couleurs rares ça chez les arabes je crois pas Parce que nous, ben, là où en Algérie, tu veux avec la Darija, ils prennent beaucoup du français. Donc ils disent mot, mot, mot. Ah. Alors le Benassadi, tu l'entends jamais, c'est juste apprendre l'arabe pour apprendre l'arabe. Quoi. Abi Ahad, entayna min muraja'atina, wa atmanna al-kitab, bihamdillah. Alhamdulillah, antum fahimtum al-kitab, fahman tayyiban. Antum qadirun ala intiqal fi kitabin akhar. Donc comme on a dit, Inch'Allah, Bad Ayem Tashrik, Bismillah, ça n'a trop le kitab et ta'bir. Inch'Allah. Tayeb, Fisuel. En plus, c'est bien vu que là, t'as fait les pluriels à l'oral, comme ça, quand je vais reprendre, je vais les. Je vais essayer de les refaire avant d'écouter et après, je m'en fais. Tayeb. Faïla Huna. والحمد لله رب العالمين Tu qu'elle en pense, ça range pas. Ça dérange. Si, il est en train de ranger. Il a rangé lui, il a rangé après, il enlève. Alors ?